Ésaïe chapitre 15. La charge de Moab. Parce que Ar de Moab a été ravagé de nuit, il a été défait, parce que Kir de Moab a été saccagé de nuit, il a été défait. Il est monté à Bajit et à Dibon, dans les hauts lieux, pour pleurer, Moab hurlera sur Nebo et sur Medeba, toutes ses têtes seront chauves, et toute barbe sera rasée. On sera ceint de sac dans ses rues, chacun hurlera, fondant en larmes sur ses toits et dans ses places. Hesbon et Elalé se sont écriés, leur voix a été oui jusqu'à Jaha, c'est pourquoi ceux de Moab qui seront équipés pour aller à la guerre, jetteront des cris lamentables, son âme se tourmentera au-dedans de lui. Mon cœur crie à cause de Moab, ses fugitifs s'en s'enfuient jusqu'à Tsoar, comme une génisse de 3 ans, car on montera par la montée de Ruit avec des pleurs, et on fera retentir le cri de la plaie au chemin de Ronagim. Même les eaux de Nimrim ne seront que désolation, même le foin est déjà séché, l'herbe a été consumée, et il n'y a point de verdure. Il aura acquis des richesses en abondance, afin que ce qu'ils auront réservé, soit apporté dans la vallée des Arabes. Car le cri a environné la contrée de Moab, son hurlement ira jusqu'à Eglajim, et son hurlement jusqu'à Béélim. Même les eaux de Dimon ont été remplies de sang, car j'ajouterai un surcroît sur Dimon, savoir, le lion, à ceux qui seront réchappés de Moab, et aux résidus du pays.